Chapitre 285. La réprobation de revenir sur une promesse de don, celle pour un père de reprendre un bien offert à son fils ou de revenir sur sa promesse en sa faveur, celle pour celui qui a donné une aumône de la racheter à son bénéficiaire, mais on peut la racheter d'une tierce personne, ou de la soustraire de l'aumône obligatoire, la zakat, ou de l'expiation dont il doit s'acquitter. 1612. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui revient sur un don ressemble au chien qui retourne à sa vomissure. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, « Celui qui revient sur une aumône ressemble au chien qui vomit, puis retourne à sa vomissure pour la manger. » Dans une autre version encore, « Celui qui revient sur un don ressemble à celui qui retourne à sa vomissure. » 1613. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte « J'avais donné un cheval en aumône pour le djihad, mais celui qui l'avait obtenu n'en prit guère soin. Je voulus alors le racheter en pensant qu'il me le vendrait à bas prix. J'informai le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mon intention, mais il me dit « Ne le rachète pas, et ne reviens pas sur ton aumône, même s'il te le vendait pour un dirham, car celui qui revient sur son aumône ressemble à celui qui retourne à sa vomissure. » Al-Bukhari et Muslim.